un femme ta famille, black brut, cru, chez Kamel, black D, ok, ISF, Marco Dag, Monsieur X, D.I.N, c'est l'équipe, écoute, 80, 100, 220, sans façon, je me contente de rapper solo. J'avais pas que t'étais du genre à t'imposer une auto-sodo. En aucun cas, je ne peux vous ressembler. Vous êtes lourd et vous balancez des punchlines. Je suis chaud, je balance des sunshlines. J'ai toujours eu un temps d'avance depuis la maternelle. Quand tu chialais pour tes madeleines, moi je grattais pendant la kermesse. Viens que je t'emmène dans mon monde, ce n'est pas sur le Narnia. Je viens de là où les poucaves ont troqué leur Marcel contre un barbale. T'as voulu clash, t'as merdé. Saute à plat ventre en face d'un train du RERD, c'est beaucoup mieux. Black Brut, ISF, c'est le nom de code, hein. Baiser la prod, je ne connais pas autre méthode, hein. On veut des billets, billets, violets, couleurs, betterave. On prend moins de risques, maintenant c'est le disque que l'on bicrave. Oh, oh, pas les pattes, ici ça taf, man. J'boxe avec les mots comme arsenic, c'est du rap castagne. En plus, vous bluffez tous, pareil que vous kickez tous. Rap dégueulasse, flow chum à la Beetlejuice. 91, c'est le sud de Paris. Je me barre dans le sud de Kim dès que passe cette pute de Marine. Oui, je sais, je passe du coq à l'âne. Mais sans rancune, viens pour la peine, Marine. Je t'invite dans un cuic à l'al. On m'a dit brut, putain, tu saoules. Mais quand t'arrêtes-tu? J'ai dit jamais, tu sais, j'carbure au coq à Red Bull. Oh, tant que la prod coule, tu prendras les coups. On ne compare pas un léopard à un rat des coups. Kinshasa, tatoué sur le bec droit. Un G-son, sors-moi le freestyle format MP3. Que je m'enjaille au volant de mon S-line. Un rappeur chaud bouillant ne balance que des sunshlines. Sunshlines. Ok. Balance que des sunshlines. Black Brut. Rappeur chaud bouillant. Tu sais, chez moi, on ne balance que des sunshlines. Je vous laisse balancer les punchlines. Les soi-disant punchlines. Bon, t'enfoiré. Ok. Chez moi, il n'y a pas que le niveau qui est élevé. Approche, tu noteras que les lunettes sont des LV. C'est Black Brut. Narcissique est dans le four. T'inquiétez pas, ça arrive, on fait les choses bien. Black Brut retient le place.